Donc, bonjour les frères et sœurs, et ce matin, nous allons nous lancer dans le chapitre 3. Hier, on a vu seulement le verset 1. Et ce matin, on va recommencer le chapitre 3, verset 1, puis on va s'en aller. On va voir jusqu'où on va avoir le temps de se rendre. Prions ensemble en commençant. Notre Père du ciel, nous sommes dans la joie et dans la paix. Nous sommes dans la reconnaissance que quand... Dans l'Église, l'Église s'éloigne, l'Église prend une tangente, l'Église a des difficultés doctrinales, comme c'est le cas ici, comme c'était le cas dans plusieurs épîtres, je dirais même la majorité des épîtres. Tu utilises des hommes, tu utilises des enseignants, tu utilises des prophètes, tu utilises des docteurs pour parler à ton peuple. On le voit ça tout au long des épîtres du Nouveau Testament. Merci que tu fais cela. Mais merci que tu ne te mets pas en colère et te tourner le dos, mais que tu nous parles afin de redresser quand nous on est un peu croche dans ce que nous faisons, nous croyons. Tu es un bon père et tu le fais parce que tu veux être bien glorifié, tu veux être bien annoncé. Et tu veux être bien servi. Donc, dirige-nous ce matin dans les textes qu'on va lire afin de pouvoir bien les comprendre. Amen. Donc, on se souvient qu'hier, on a parlé du jugement dans l'ensemble de l'épître de Jacques. On a vu les conséquences du jugement qui était la vie ou la mort, ou le salut ou la perdition. C'était la couronne de vie ou la non-couronne de vie. C'était le salut, comme Job, ou, la perdition. Et là, on va voir ça. On va voir comment il va dire ça dans le chapitre. Il l'a dit dans le chapitre 1 en disant « tu n'auras pas la couronne de vie ». Il l'a dit dans le chapitre 2 « tu vas avoir un jugement sans miséricorde ». Il l'a dit encore une fois dans le chapitre 2 « tu as une foi sans les œuvres, cette foi-là, elle est vaine ». Là, il va le dire de d'autres façons. Parce qu'il veut, il tape toujours sur le même clou, là. Il tape toujours sur le même clou, ici. Aider les gens qui reçoivent la lettre à faire un bon choix et rester attachés à l'Évangile. Chapitre 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, mais même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par de petits gouvernails au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voyez, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, et de reptiles, et d'animaux marins sont domptées. Ils ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir de la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne des figues? De l'eau salée peut-elle donner de l'eau douce? Donc, ici, si on continue la pensée qu'on avait hier, il dit, si tu enseignes, toi les enseignants, si vous enseignez ce que je viens, le contraire de ce que je viens de dire au chapitre 1 et au chapitre 2, vous allez être jugé plus sévèrement. Et là, il parle ici, il continue dans la même direction pour continuer à les aider à pas enseigner le contraire de ce qui a été dit. Ce qui a été enseigné par les apôtres. Ce qui a mis en place Paul et Pierre et les autres apôtres. Et Jésus lui-même. Là, il parle de la langue ici. Il dit que la langue est un petit membre qui souille tout le corps. On sait bien que la langue, c'est un muscle, et le muscle ne peut pas souiller moralement le corps. Mais on sait aussi que la langue parle de l'abondance du cœur. Donc, Jacques, il prend ça comme exemple ici, mais il dit, par les paroles qui sortent de ta bouche, par les paroles que tu enseignes, par ce que tu dis, ça peut être bien ou mal. Mais dit la langue dans l'être humain, la langue de façon générale, c'est un petit membre qui souille tout le corps et on ne peut rien y faire. Tu ne peux pas la dompter, tu ne peux pas la réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel, elle donne la mort, cette langue-là. Tu peux rien. Aucun homme n'a réussi à la dompter. S'il pourrait dompter sa langue et la tenir en bride, il serait parfait dans tout ce qu'il fait. Il m'a dit, il n'y a personne qui a réussi à dompter la langue. On a dompté tous les animaux, mais pas la langue. Et donc, si je m'arrêterais là, je dirais, il n'y a pas grand espoir dans ce que Jacques dit là. L'être humain ne peut pas changer sa nature. Et là, il dit, au verset 9, « Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Ça, je dirais que c'est la phrase clé de ces 12 premiers versets-là. Et je crois qu'on peut l'associer avec quelqu'un qui se regarde dans le miroir puis qui oublie comment il était. Quelqu'un qui dit qu'il croit en l'Évangile, mais qui méprise les pauvres que Dieu veut sauver. Ça, on peut la rattacher au celui qui dit qu'il a la foi, mais qu'il n'a pas les œuvres. Il dit, tu ne peux pas dire avec la bouche, je crois en Dieu, je loue Dieu, j'adore Dieu, le Créateur, mais je maudis la création. Ici, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. C'est contradictoire. Tu ne peux pas faire ça. Il dit, ce n'est pas bien, mes frères. Ça ne peut pas être de même, mes frères. Donc, il dit, si tu es un de ceux qui dit que tu crois en Dieu, que tu adores Dieu, que tu loues Dieu, mais que tu maudisses la création ou les hommes faits à l'image de Dieu, si tu les méprises, où tu avilises, comme on a vu un peu avant, ça ne peut pas être correct. C'est faux. C'est pas vrai. Tu vas être jugé plus sévèrement. Et tu vas être condamné. Celui qui dit d'une façon vraie, d'une façon sincère, d'une façon, moi je dirais, par la grâce de Dieu, parce que cette langue qui ne peut pas être réprimée, elle peut être contrôlé, si je peux dire ainsi, par la grâce de Dieu qui vient en nous, par le fait que nous croyons à l'Évangile reçu, en ayant une foi qui sauve, en n'oubliant pas comment nous sommes dans le miroir, en persévérant dans l'épreuve. Il dit, on peut, en se soumettant avec joie aux épreuves, en demandant de la sagesse pour comprendre. On peut avoir victoire sur cette langue-là. On ne peut pas la changer, mais on peut avoir la victoire. On peut la contrôler. Celui qui, honnêtement, qui a une foi qui sauve, hein, et qui dit qu'il croit en Dieu, qui aime Dieu, qui glorifie Dieu comme créateur du ciel et de la terre, il ne peut pas faire autrement que d'aimer ses semblables. Surtout les frères. Surtout les frères. Ici, je crois que le problème est surtout parmi les frères. Il y avait des problèmes dans les frères, parce qu'on va voir plus loin qu'il va dire, attention comment tu te comportes avec les frères, attention comment tu parles de tes frères. Il dit, tu ne peux pas faire les deux. C'est la même vérité, je crois, que, comme, que Jean dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas les frères? Et si tu aimes les frères, c'est parce que tu aimes Dieu. Si tu aimes ceux qui proclament l'Évangile, c'est parce que tu crois à celui qui a donné l'Évangile, qui est Jésus-Christ. Si tu aimes Dieu, tu aimes les frères. Si tu aimes les frères de Jésus-Christ, tu aimes les frères de Dieu. Je crois que c'est la même vérité que dans Matthieu chapitre 25, dans le grand jugement. Il dit, si vous avez fait du bien au plus petit de mes frères, viens et réjouis-toi avec ton maître. Mais si tu ne m'as pas visité en prison, si tu n'as pas fait du bien à un petit de mes frères, tu vas être jeté dans le feu éternel. Même vérité ici. Comment peux-tu dire que tu aimes Jésus, que tu aimes Dieu, mais tu méprises son corps? Même vérité que dans Corinthiens. Paul dit, vous méprisez le corps de Christ. Et c'est pas correct ce que vous faites. Donc, si moi, je suis quelqu'un qui dit croire en Dieu et qui méprise ce que Dieu a créé, je ne peux pas être vrai. Je ne suis pas vrai. Je n'ai pas une foi qui est vraie. J'ai une foi morte. J'ai une foi morte. Ça ne veut pas dire, mes frères et sœurs, qu'on n'aura pas de difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des chicanes entre nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des divisions entre nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème ou de péché entre nous. Mais on va voir, après, la sagesse, là, comment réagir dans ces moments-là. Je peux pas mépriser les enfants de Dieu. Le corps de Christ. Je peux pas. J'ai pas le droit. C'est contraire à la foi. C'est contraire à la vérité. C'est contraire à la vie. C'est comme on pourrait dire, il y a rien de plus contre nature. Une mère qui déteste son enfant. Comment nous pourrions-nous mépriser le corps spirituel de Christ? Puis dire en même temps qu'on aime Christ. C'est infaisable. C'est impensable. C'est impensable. Donc, on va lire un autre petit bout. Vous allez voir que ça va confirmer cette pensée-là. On va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, vous ne glorifiez pas, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Sa sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer, il y a un esprit de dispute, il y a un désordre de toutes sortes, c'est une pleine mauvaise action. La sagesse d'en haut, elle est premièrement pure, ensuite pacifique et modérée et conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc ici, il continue en disant, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? » Les enseignants, là, parce que si on reste dans le contexte de nos enseignants, il dit, quel des enseignants est sage et intelligent? Regarde quelle sorte de sagesse que tu as. Si tu as la sagesse qui vient d'en haut, tu vas être jugé avec miséricorde et compassion et grâce de la part de Dieu. Mais si tu as une sagesse qui vient d'en bas, tu vas être jugé plus sévèrement. Et tu vas être condamné. Il dit, la sagesse qui vient du monde, comment est-ce qu'on l'appelle? Terrestre, charnel, diabolique. Et que ça ressemble à la foi un peu plus haut, hein? Inutile, vaine, diabolique. Et on va revoir ça plus loin encore, qu'il va utiliser le mot encore diabolique une couple de fois, je pense, dans l'Épître. Il dit, cette sagesse qui vient de l'homme, qui s'éloignent de la vérité, qui ne prêchent pas la vérité, qui n'enseignent pas la vérité. Il y a un esprit amer dans lui. Il est amer parce qu'il ne va pas dans la direction de Dieu. Il se bat avec Dieu. On a vu au chapitre 1, il est en colère avec Dieu. Parce qu'il a tout perdu, parce qu'il a été persécuté, parce qu'il a été chassé de chez eux. Au lieu de bien réagir et de voir comme un sujet de joie les épreuves, il s'est mis en colère contre les épreuves que Dieu a envoyées dans sa vie. Et combien de fois on a vu ça dans nos propres vies, alentour de ça? On en a vu qu'ils sont tellement venus en colère qu'ils sont partis, qu'ils ont renié Dieu. Et regardez comment c'est cassé. Elle n'est pas... Elle est pleine de disputes, elle a un gel amer, elle est désordre, elle est pleine de mauvaises actions. Et là, il dit... au verset 17, elle est exempte de duplicité. Donc, la sagesse qui vient de la terre, elle a de la duplicité et d'hypocrisie. Donc, elle est à deux faces. J'ai la foi, mais j'ai pas les œuvres. Je me regarde dans le miroir, mais je fais rien. Je dis que je croyais, mais je persévère pas. Je dis que j'aime Dieu, mais je maudis les enfants de Dieu. C'est de l'hypocrisie, c'est de la duplicité. Mais au contraire, celui qui a la sagesse qui vient d'en haut, elle est pacifique, elle est pure, elle est modérée, elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde, elle est pleine de bons fruits. Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Parce qu'elle reconnaît. Elle reconnaît que ceux qui sont autour d'elle, parmi les gens de l'Église, sont comme eux. Les gens dans l'Église ont des difficultés, vous en avez, j'en ai. Vous passez par des luttes, j'ai des luttes. Je regarde les gens dans le monde, je ne peux pas les maudire. Dieu se charge de les maudire. Ils sont condamnés par Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de les condamner. Moi, je devrais avoir de la compassion pour eux autres. Je devrais avoir de la miséricorde. Parce que je viens de leur gang. J'ai été sauvé. J'étais là dans le monde avec eux autres. Ma langue était comme ça, puis elle est encore de même dans ma chair. Elle fait le mal, ma langue. Je comprends ça. Mais je suis donc reconnaissant de la grâce de Dieu à mon égard. C'est pour ça que je peux être pacifique, modéré dans mes relations avec les frères. Je peux être conciliant, parce qu'on est pareil. Je peux avoir de la miséricorde envers les autres, parce que j'ai tellement besoin qu'on ait de la miséricorde envers moi. On est tous pareils, vous savez, dans l'Église. Nous sommes tous des gens qui luttons avec le péché. Nous avons tous une lutte entre la chair et l'esprit. Il n'y en a pas un qui en a plus ou moins que les autres. On est tous pareils. C'est pour ça qu'il dit, celui qui prêche, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc, il dit, si tu prêches, tu vas prêcher dans la paix, parce que tu recherches la paix, parce que tu as reçu de la paix. Tu vas traiter les autres comme tu aimerais être traité. On va voir ça plus loin. Aime ton prochain comme toi-même. Parle aux autres comme tu voudrais qu'on te parle. Tu ne peux pas les mépriser et aimer Dieu. Si tu as une sagesse qui vient de Dieu, cette sagesse-là, que tu as demandé, dans chapitre 1, de l'Épître de Jacques. Et Dieu t'a donné cette sagesse-là. Et maintenant, tu vas l'utiliser pour encourager les frères, pour être conciliant, pour être modéré, pour être miséricordieux, pour être plein de bons fruits, pour prêcher avec la paix. Tu recherches la paix dans ce que tu prêches. Tu ne recherches pas la division, tu ne recherches pas la querelle, tu ne recherches pas à diviser. Tu recherches la paix et l'harmonie. Donc, il dit... Tu ne peux pas maudire Dieu et détester les enfants de Dieu. Tu ne peux pas être de Dieu et avoir une sagesse du monde charnelle et diabolique. Ta sagesse, elle va être paisible, conciliante. Tu vas agir avec plein de bons fruits. Tu vas avoir une relation d'amour envers les frères et sœurs qui sont autour de toi et envers le monde dans lequel tu vis. Notre Père du ciel, merci de nous avoir montré, encore une fois, que tout au long de notre vie chrétienne, on va être ramené à faire le même choix. Il va venir des tentations, il va venir des occasions où est-ce qu'on va avoir à prendre le choix. Mais par ta grâce, par la foi, par la sagesse que tu mets en nous, nous allons faire les bons choix. Et quand le jour du jugement va venir, nous ne serons pas jugés plus sévèrement, mais nous serons jugés avec grâce, avec miséricorde, avec amour, avec pitié de ta part. Au nom de Jésus, Amen.